طيب نكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la cinquième partie dans l'explication du livre du Cheikh Abdus Salam ibn Burgis rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Mu'taqad al-Sahih al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Et on est arrivé maintenant dans le chapitre des six piliers de la foi, au pilier, au deuxième, au troisième plutôt, parmi les piliers de la foi, après Al-Iman Billah et Al-Iman Bil Malaika, maintenant c'est Al-Iman Bil Kutub, la foi en les livres. Et le Cheikh Abdus Salam, il explique maintenant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé avec tous les messagers un livre. Et il cite le verset 25 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Et donc, la signification de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons envoyé nos messagers avec les preuves claires, et nous avons envoyé avec eux le livre et la balance, pour que les hommes puissent établir la justice, hein? Qu'on puisse établir la justice. Dans un autre verset, le Cheikh il cite ici: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc le Cheikh il explique que il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est le verset 213 dans Surat Al-Baqarah. Il dit dans ce verset ce qui signifie que les hommes formaient une seule communauté et Allah a envoyé des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs de châtiments. Et il a envoyé avec eux un livre en vérité pour qu'ils jugent entre les hommes dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Et ils n'ont divergé, à son sujet qu'après que leur soient venues les preuves claires, hein, par rivalité entre eux. Et Allah a guidé ceux d'entre eux qui ont cru à la vérité de ce sur quoi ils ont divergé par sa permission, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Et le Cheikh explique que ensuite il dit: nous croyons en ces livres et nous savons que ces livres là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme cela est expliqué dans le verset 136 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala dit: dites, nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous, et en ce qui a été révélé sur Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub, de même que les tribus, et ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis, hein, nous sommes musulmans. Nous sommes soumis à lui, hein, nous sommes musulmans. Le Cheikh il cite également d'autres versets. Et parmi les versets qu'il a cités, il dit: قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ça, c'est le verset 136 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager et en le livre qui a été révélé sur son messager. et en le livre qui a été révélé avant, hein, auparavant. Et quiconque renie, hein, la foi en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Ensuite, il cite un autre verset qui est le verset 15 dans Surah Shura, dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, le verset 15, dans Surah Shura, ce qui signifie, et dit au Muhammad, je crois en ce que Allah a révélé comme livre. Et il cite ensuite d'autres versets, les versets 1 à 4, dans Surah Al-Baqarah, le premier verset, Shura 15. Maintenant, les versets suivants dans Surah Al-Baqarah, de 1 à 4, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible, qui établissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi et qui croient avec certitude en l'au-delà. Et le Cheikh dit, nous croyons donc en ces livres et que ces livres-là sont la parole d'Allah, Azza wa Jal, et que ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. C'est la parole d'Allah. Hein? Et il dit, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a réellement parlé dans ces livres-là. Réellement, c'est réellement sa parole. Et il parle comme il veut, de la manière qu'il a voulu. Et il dit, et parmi Allah subhanahu wa ta'ala, il a différentes façons de révéler les différentes révélations qu'il a envoyées à ses messagers. Et parmi les différentes façons qu'il emploie pour envoyer sa révélation, il dit le Cheikh, minha al-masmu' minhu min wara'i hijab biduni wasita. C'est-à-dire que parmi les méthodes de révélation, c'est que des fois il s'adresse directement au prophète par derrière un voile, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait un ange ou sans qu'il y ait un messager. Parmi les anges pour s'adresser au prophète, comme par exemple Moussa alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé directement sans intermédiaire, hein? Et c'est pour ça qu'on appelle Moussa, on dit qu'il est Kalimullah, hein? Celui à qui Allah a parlé directement. Et il cite à ce sujet-là le verset 143 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Verset 143 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et lorsque Moussa vient à notre lieu de rencontre et que son Seigneur lui parla, hein? Et le verset 144, le verset suivant dans Surat al-A'raf, il dit qala ya Moussa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Moussa, je t'ai choisi parmi les hommes par mon message et par ma parole. Et parmi les méthodes de transmission de la révélation, il y a le fait que le messager, il entende le message de la part de l'ange qui lui a été envoyé, hein, et qui a été ordonné par Allah de transmettre. Hein? L'ange a été ordonné par Allah de transmettre le message au messager humain. Et donc, il dit par rapport à cet exemple-là, le verset 51 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Donc le verset 51 dans Surat Shura, Allah subhanahu wa ta'ala, il résume les différentes façons par lesquelles il transmet le message, Et il dit, il n'appartient pas à un homme que Allah lui parle, excepté par révélation, ou par derrière un voile, ou il lui envoie un messager parmi les anges, et lui révèle par sa permission ce qu'il veut. Certes, il est très haut et sage. Et parmi les livres, il y a ce qui comprend les règles et les lois que Allah a révélées dans ces révélations-là et dans ces livres-là. Donc, ces livres, il faut croire en ces livres et il faut croire en tout ce qu'il y a dedans comme règlement, comme commandement, comme ordre, comme législation. Et tout ce qu'il y a dedans comme législation, c'est une obligation pour la Ummah à qui cette révélation-là a été révélée, de s'y soumettre et de juger selon ce qui est dedans. D'accord ? Et il dit à ce sujet-là, ensuite il dit, « Wa anna hadhihi al-kutub » ces livres-là que Allah a révélés, eh bien, ils se confirment, chaque partie confirme l'autre, et il n'y a pas de contradiction entre une partie et l'autre, ou une partie qui dément l'autre. Non, tout correspond. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de partie qui contredit l'autre partie. Il dit également que, wa anna nasr al-kutub al-awla ba'duha bi ba'din haqqun kama nusikha ba'du shara'i' at-Tawrat bil-Injil. Donc, il peut y avoir parfois des abrogations d'une partie par rapport à une autre, ou d'un livre par rapport à un autre. Comme par exemple, la Torah, des parties de la Torah qui ont été abrogées par des versets de l'évangile de Isa. Et le Cheikh dit, « Wa qala ta'ala fi Isa, alayhi salam, wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Torah, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans sourate Al-Imran qu'est-ce qu'il a ramené vient confirmer ce qui était révélé auparavant dans la Torah, et il dit, et je viens également pour rendre licite pour vous certaines des choses qui vous avaient été interdites. Verset 50 dans sourate Al-Imran. Donc ça prouve que le Isa alayhi salam dans l'Injil, il a abrogé certaines choses qui étaient dans la Torah. Il dit, wa kama nasakha al-Qur'an ma qablahu min al-kutub as-samawiyya. Le Coran est également venu abroger ce qui était révélé dans les livres précédents aussi. Comme par exemple le verset 48 dans sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos du Coran, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Donc il vient confirmer ce qu'il y avait dans les livres précédents et il vient prendre le dessus sur les livres précédents aussi. Muhaiminan, ça veut dire qu'il vient abroger ce qui était avant, qu'il vient prendre le dessus sur ce qui était révélé auparavant. Donc quelqu'un ne peut pas par exemple dire aujourd'hui, bon, moi je suis musulman mais je continue à suivre la Torah, ou bien je continue à suivre l'Injil. Non, tu ne peux pas. Parce que le Coran, il vient abroger ce qui était révélé auparavant. Et donc tu ne peux pas continuer à te référer à la Bible. Tu ne peux pas continuer à te référer à la Torah ou à l'Injil. Et on sait que la Torah et l'Injil, elle a été falsifiée, elle a été changée. Et non seulement ça, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, les livres précédents, ils étaient révélés pour un peuple spécifique. Et ils n'étaient pas révélés pour toute l'humanité et pour jusqu'à la fin des temps. C'était pour un temps spécifique et pour un peuple spécifique. Tandis que le Coran, il est pour tous les peuples et il est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Et même si les livres précédents n'avaient pas été falsifiés, n'avait pas été changé par les hommes, eh bien, on n'aurait pas le choix de suivre uniquement le Coran et de se baser uniquement sur le Coran. L'erreur de certaines personnes parfois, qui sont parfois converties à l'islam, du christianisme, c'est qu'ils ont adopté une méthodologie dans la da'wa qu'ils ont empruntée de certains prêcheurs, qui sont comme par exemple Ahmed Didat, ou bien d'autres également, qui se basent beaucoup sur la Bible pour faire la da'wa. Et ça peut être dangereux parfois, parce que certaines personnes qui acceptent l'islam et qui ont appris la religion, qui ont compris la religion à partir de cette méthode-là, eh bien, même après s'être converti à l'islam, ils continuent à utiliser la Bible comme référence ou comme source de guidance. Alors que dans la Bible, on sait qu'il y a beaucoup de confusion et d'égarement dedans, et des choses qui ont été changées et falsifiées. Et donc, ces gens-là, parfois, j'ai remarqué dans certains pays, qu'ils n'évoluent pas dans la compréhension et l'apprentissage du Coran. Ils restent toujours avec la Bible, malgré qu'ils sont devenus musulmans. Et ils prennent la Bible comme si c'était équivalent au Coran. Hein? Et ils continuent à prêcher en se basant sur la Bible, malgré qu'ils sont convertis à l'islam. Donc ça, c'est incorrect. Ça, c'est grave. Donc il faut qu'ils comprennent que le Coran a abrogé les livres précédents. Et que s'ils veulent faire la da'wah aux chrétiens, ils peuvent parfois mentionner des exemples de qu'est-ce qui a été dit ou qu'est-ce qui est attribué au prophète dans la Bible comme exemple pour confirmer ce qui est dans le Coran, pour raffirmer leur explication pour quand ils parlent avec des chrétiens ou des juifs, mais ne pas se baser là-dessus comme si c'était la chose principale de leur da'wah. Non, tu peux l'utiliser comme un exemple, comme une aide de temps en temps, mais ça ne doit pas être ton point de référence. Ta base, ton point de référence, c'est le Coran et la Sunna. Ça doit être ça la base quand tu prêches. Donc il faut faire attention à ça. Et il faut savoir aussi en même temps que, bon, même si Ahmed Didat, il a fait beaucoup d'efforts pour la da'wa et pour propager l'islam et pour réfuter les chrétiens, mais n'empêche que c'était pas un savant de l'islam. Et c'est arrivé dans plusieurs occasions où, lorsqu'il a parlé de l'islam, il a dit des choses qui sont incorrectes, qui sont contradictoires avec la aqida de l'islam. Donc il faut comprendre que Ahmed Didat, même s'il a fait beaucoup d'efforts, il faut retourner au ulama de l'islam, si on veut comprendre certaines questions sur la aqida. Parce que c'était un spécialiste de la Bible, ça il n'y a pas de doute, mais en ce qui concerne la croyance islamique et la compréhension de la aqida de l'islam, parfois il a fait des erreurs assez graves. Donc il faut faire attention à ça. Zakir Naik, qui? Abdelrazak, un qui vient du Congo là? Oui, lui aussi, il a beaucoup d'erreurs. Il faut faire attention quand il fait des débats avec les chrétiens là, et il filme ça. C'est ça le danger dans ces choses-là, c'est que quand des gens ils rentrent dans des débats, surtout quand c'est filmé en live, hein, en direct, la personne, si elle est en face d'un opposant, puis qu'elle est bloquée ou bien elle est prise, elle ne sait pas comment répondre parce qu'elle n'a pas suffisamment de science ou bien elle n'a pas suffisamment de connaissances, elle risque parfois d'essayer d'avoir le dessus sur son opposant en disant des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Et pour ne pas perdre la face, hein, ou bien pour essayer de garder son argument. Et c'est ça qui est dangereux, en fait, dans ce genre de débat-là. Et puis, si c'est quelqu'un qui n'a pas encore étudié la religion correctement, il risque de tomber dans des égarements. Et donc, on voit que parfois, il tombe dans certaines erreurs des Mu'tazila ou de certaines sectes, hein, qui ont nié les attributs d'Allah ou bien qui ont fait des égarements. Et certains frères qui sont plus familiers avec ce prêcheur-là, qui connaissent mieux ses conférences ou ses débats, eh bien, ils ont justement mentionné certaines des erreurs de ce prêcheur-là. Et c'est pour dire qu'il faut donc faire attention. En ce qui me concerne, je dois être franc que je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai jamais écouté. Mais je connais des frères qui sont qui sont plus familiers avec ces prêches et ces conférences et ces débats sur YouTube et sur Internet et qui m'ont mentionné à son sujet des choses comme ça, qui a des erreurs dans ses arguments parfois, et c'est des erreurs graves, hein? Donc il faut faire attention, inshallah, à ce genre de prêcheurs, surtout qui se spécialisent dans les débats avec les chrétiens et qui se basent beaucoup sur la Bible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec des pages de la Bible. Et puis il lui a dit, oh, ya Omar, ya ibn al-Khattab, même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Hein? C'est-à-dire que, yani, même si Moussa alayhi salam était vivant, Moussa il devait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si la Torah était exacte, authentique, 100%, eh bien, malgré ça, les chrétiens, les juifs n'auraient pas d'autre choix que de suivre le Coran et la Sunna. Donc, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, continuer à prétendre qu'ils peuvent suivre la Bible et la Torah ou l'Injil pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme référence. Le Cheikh dit ensuite, donc il dit كما نسخ القرآن ما قبله. On a lu le verset 48 dans Surat Al-Ma'ida qui dit, dans lequel il dit وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, c'est-à-dire ça vient prendre le dessus sur qu'est-ce qui a été révélé auparavant, et il cite le verset 52 dans Surat Al-Qalam وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Allah il dit ce n'est qu'un rappel pour les mondes. Hein? Donc c'est universel ce message. Le Coran c'est universel pour tous les peuples et pour tous les endroits dans le monde et pour tous les jusqu'à la fin des temps. Il dit l'iman ou bi kutubillah, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a révélé, il est obligatoire donc de croire en ces livres là. Et on croit de façon générale en qu'est-ce qui a été mentionné de façon générale, et de croire de façon détaillée à qu'est-ce qui a été détaillé. On croit de façon générale en qu'est-ce qui a été mentionné de façon générale, et on croit de façon détaillée en qu'est-ce qui a été mentionné de façon détaillée. Il dit, et en ce qui concerne les livres des livres, les noms des livres, pardon, le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé les noms de certains d'entre ces livres dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, il a appelé, par exemple, il a mentionné parmi les livres qu'il a révélés, la Torah. La Torah, ça c'est un des noms des livres qu'il a révélés. Et c'est le livre qu'il a révélé au prophète Moussa alayhi salam, qui est un des messagers parmi les messagers d'Allah. Et il a mentionné également un autre livre qui est Al-Injil, qui a été révélé à Isa, alayhi salam. Et il a mentionné également un autre livre qui s'appelle Az-Zabur. Et ça, c'est ce qui a été révélé à Daoud, alayhi salam. Et Al-Qur'an, qui est le livre qui a été révélé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également mentionné Suhufi Ibrahim wa Moussa, c'est-à-dire les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, alayhi salam. Donc nous devons croire en ces livres-là de façon détaillée puisque Allah les a mentionnés. Et il dit كَمَا أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ كُتُبًا كَثِيرَةً إِجْمَالًا لَمْ يُسَمَّ مِنْهَا شَيْئًا فَنُؤْمِنُ بِهَا أَيْضًا عَلَى هَذَا الْإِجْمَالِ. Il dit وَقَالَ تَعَالَى وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Donc il dit de même que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de façon générale, sans citer le nom de certains livres. Donc il dit qu'il y a beaucoup de livres qui ont été mentionnés de façon générale, mais en lesquels nous devons croire de façon générale, puisque leur nom n'a pas été cité ou mentionné, et nous devons croire en ces livres-là aussi. Et il cite le verset 15 dans Surah Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et dit, ô Muhammad, je crois en ce que Allah a révélé comme livre. » C'est-à-dire que s'il y aurait d'autres livres que les livres qui sont mentionnés, que Allah aurait révélé à d'autres prophètes et qui n'ont pas été cités, on doit croire en ces livres-là aussi. De même qu'il y a, comme on va voir tout à l'heure, quand on va parler des prophètes et des messagers, il y a peut-être des prophètes que Allah a cité, dont Allah a cité les noms, mais il y a d'autres prophètes, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il y a d'autres prophètes dont il n'a pas mentionné les noms. Et on doit croire en ces prophètes-là de façon générale, ceux qui ont été mentionnés de façon détaillée et que leurs noms ont été cités, il faut croire en eux de façon spécifique, puisque leur nom a été mentionné. Mais c'est-à-dire donc qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres prophètes qui sont venus et que leur nom n'a pas été mentionné, on n'a pas connu leur histoire, mais ils sont des prophètes réels aussi et des vrais prophètes. Le Cheikh il mentionne ensuite que le Coran c'est le dernier des livres qui a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le dernier des livres célestes et qu'il n'y aura pas d'autres livres après celui-ci. C'est le dernier. Et il dit, et c'est lui qui vient, comme on a dit tout à l'heure, qui vient abroger tous les livres précédents, et il est général pour les deux mondes, le monde des hommes, des humains, et le monde des djinns. Comme Allah il dit dans le verset 52, dans surat al-Qalam, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel pour les mondes. Il dit, et le Coran, il comprend tout ce que les êtres humains ont, tout ce dont les êtres humains ont besoin, dans les choses de la religion et dans les affaires de la dunya. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a tout ce qui est nécessaire pour les hommes, tout ce dont les hommes ont besoin pour bien vivre dans cette vie et pour savoir bien comment adorer Allah et pratiquer sa religion. Et il cite à ce sujet le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Alors, quiconque est dans une situation de nécessité, alors qu'il y a une famine, sans chercher à faire un péché, et bien dans ce cas-là, Allah est pardonneur et miséricordieux, pour dire que le musulman, lorsqu'il est dans une situation de nécessité, qu'est-ce qui est interdit devient licite pour lui. Et ça c'est une règle générale parmi les règles de la charia qui clarifie que cette religion elle est basée sur la miséricorde, elle est basée sur la miséricorde et sur la facilité. Le Cheikh il dit le Coran est un miracle aussi. Et ça, c'est le plus grand miracle même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah. C'est-à-dire que personne n'a jamais été capable de produire ou de ramener quoi que ce soit de semblable au Coran. Et ça fait partie des miracles du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le verset 88 dans Surat al-Isra, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie, dit, si tous les êtres humains et les djinns se réunissaient ensemble pour essayer de produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient rien produire de semblable, même s'ils cédaient tous les uns les autres pour y arriver. Et dans l'autre verset, le verset 42 dans Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala il dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. C'est-à-dire le faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière, c'est une révélation d'un sage digne de louange. Et il cite également que le Coran, il est protégé. Allah l'a préservé. Il a préservé le Coran et sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est préservé de tout ajout ou de tout retrait, d'ajouter quoi que ce soit ou d'enlever quoi que ce soit. Et c'est basé sur la preuve qu'il a cité, le shir, c'est le verset 9 dans surat al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Ce qui signifie et nous avons certes fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver, le protéger. Donc ça c'est ce qui complète la partie au sujet de la foi en les messagers, la foi en les livres. Maintenant on va commencer l'explication au sujet de la foi en les messagers d'Allah. Donc ici le cheikh il mentionne maintenant la foi en les messagers, qui est le quatrième parmi les piliers de la foi. Il dit que il faut croire avec certitude et détermination que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé dans chaque nation un messager pour les inviter à l'adoration d'Allah seul, sans associé et sans partenaire, et pour renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et que tous les messagers sont véridiques, sont sincères et se confirment les uns les autres. Hein? Et ils sont tous, il y a des gens de bien, des gens bien guidés, des gens nobles, hein? Et des gens pieux et vertueux, fidèles, honnêtes, qui guident les gens et qui sont bien guidés. Et également qu'ils ont tous transmis les messages d'Allah, tous les messages que Allah leur a ordonné de transmettre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier, il a pris Ibrahim comme bien-aimé, et ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris comme Khalil, et Khalil c'est le bien-aimé. Donc Ibrahim alayhi salam est un Khalil d'Allah, ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un Khalil d'Allah. Et Al-Khalil qui vient du mot Khulla, et Al-Khulla c'est le plus haut niveau de l'amour, le plus haut degré de l'amour. C'est un amour qui n'accepte pas, hein, de partage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager cet amour-là avec autre personne. Il n'accepte que une seule personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également parlé, il s'est adressé à Moussa alayhi salam. C'est pour ça qu'on l'appelle Kalimullah. Et il dit qu'il a élevé Idris à un degré élevé. De même que Isa alayhi salam, c'est un serviteur et un messager d'Allah. Jésus, c'est un serviteur et un messager d'Allah. Et c'est une parole de la part d'Allah que Allah a mis en Maryam, et une âme créée par lui. Donc cette âme et cette parole, c'est l'ordre d'Allah, le commandement d'Allah. Lorsque Allah a dit kun fayakun, il dit soit et il fut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Donc quand Allah il a ordonné à Isa d'exister dans le ventre de Maryam, et il fut, hein? C'est ça la parole que Allah a mis en Maryam. Donc Jésus est né d'une manière miraculeuse, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu ou qu'il est fils de Dieu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque Adam alayhi salam lui aussi, il n'a pas eu de père ni de mère, ce qui fait que, hein, il est créé directement par Allah, sans père ni mère, et ça ne fait pas de lui un fils de Dieu pour cela. Donc c'est important de comprendre ça. Et comme on expliquait hier, on parlait de ce sujet-là justement, il y a des frères qui m'avaient posé la question par rapport à l'expression de la part de certains juifs et de certains chrétiens sur le fait que certains d'entre eux, lorsqu'ils parlent des prophètes, ils les désignent comme étant fils de Dieu. Eh bien, il y a beaucoup de passages dans la Bible justement qui parlent de différents prophètes où ils désignent certains d'entre eux comme étant des fils de Dieu. Dans la Genèse, par exemple, il parle des anges comme étant les fils de Dieu. Il parle de Jacob et il l'appelle mon fils premier-né. Hein? Il parle de Yaqub, alayhi salam, il l'appelle mon fils premier-né. Il parle de Suleyman et il dit la même chose aussi. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de d'autres prophètes également qui sont mentionnés dans la Bible, il parle de même Adam dans Luc, hein, il est désigné, il est appelé par le terme fils de Dieu. Et même les gens du commun, vous êtes les enfants de l'Éternel. Hein. Et tous ceux qui qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et même Daoud, alayhi salam, il dit, et Yahvé m'a dit, tu es mon fils, hein, moi aujourd'hui je t'ai engendré, Allah musta'an. Donc c'est des choses comme ça que tu trouves dans la Bible qui induit beaucoup de gens en erreur. Hein. également d'autres exemples comme ça, des passages dans lesquels il dit « Heureux ceux qui font la paix, ils seront appelés fils de Dieu » ou des choses comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cette parole-là à propos des chrétiens et des juifs, hein, dans le Coran, dans surat Al-Ma'ida. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, alors pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés si vous êtes les fils de Dieu et ses bien-aimés? Hein? Si vous étiez ses fils et ses bien-aimés, il ne vous châtie pas. Hein? En effet, vous êtes des êtres humains parmi ceux qu'il a créés comme les autres. Vous n'avez rien de particulier. Hein, par rapport aux autres êtres humains. Il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Donc cet emploi du terme fils de Dieu qui, hein, peut-être dans ce sens-là, dans le sens que eux ils l'utilisent, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs comme un père aime ses enfants. Hein. Même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que la mère, hein, avec son enfant, oui. Alors, dans ce sens-là, c'est vrai. Mais si tu dis dans le sens que un homme a des enfants, de la même manière tu dis Jésus c'est le fils ou des choses de ce genre, ça c'est batil, complètement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Hein? Et c'est pour ça que le terme même fils, il a été complètement éliminé dans l'islam. On n'utilise pas du tout ce genre d'expression-là. Et aussi, on n'appelle pas Dieu, on ne le désigne pas par le terme Père. Hein? Contrairement aux chrétiens qui parlent de Dieu, Dieu le Père ou des choses comme ça. Pour éliminer complètement cette ambiguïté-là et cette idée-là qui peut faire tomber les gens justement dans le shirk, cette expression-là, elle a complètement été bannie, hein, par la charia de l'islam. Donc, ça c'était juste un point en passant que je voulais clarifier par rapport à ça. Donc, Isa alayhi salam, c'est un messager, c'est un serviteur d'Allah, une créature d'Allah, qui a été créé de manière miraculeuse, mais ça ne fait pas de lui Dieu ou un fils de Dieu. Et en même temps, c'est important de savoir pour les chrétiens qu'un musulman, il est obligé de croire en Isa. Si un musulman dit, moi je ne crois pas en Isa, il est kafir. Il n'est pas musulman, il est mécréant. Si un musulman dit, je crois en tous les prophètes, sauf Isa, il est kafir. Et la même chose pour Moussa alayhi salam, ou Ibrahim, ou n'importe quel autre prophète. Si quelqu'un parmi les musulmans dit, moi je ne crois pas en ce prophète-là, ou ce prophète-là, il n'est pas musulman. Il faut que, pour être musulman, il faut que tu crois en tous les messagers, sans exception. Si tu renies un seul d'entre eux, tu es kafir. D'accord? Donc ça c'est très important pour nous, c'est un point fondamental dans la foi, dans la religion musulmane, qu'on est obligé de croire en Isa, mais ça ne veut pas dire qu'on fait de lui Dieu ou un fils de Dieu. Et la même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, souvent les chrétiens, ils disent, ah, vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas vrai. On croit en Isa et on croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Eux, ils pensent, quand on dit qu'on croit en Mohammed, ils pensent que ça veut dire que on croit en le prophète Mohammed de la même manière que eux croient en Isa. C'est-à-dire qu'ils pensent que nous, on fait la même chose que eux avec le prophète Mohammed. Vous comprenez? Et ça, c'est incorrect. Il faut leur clarifier ça. Que pour nous, le prophète Mohammed, c'est un être humain, un prophète, un messager. On n'a pas le droit de prier à ce prophète, on n'a pas le droit de l'adorer avec Allah ou en dehors d'Allah. Celui qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, mushrik. Hein? Et celui qui adore Isa, et qui prie à Isa, il est kafir, mushrik. La même chose. Donc, les messagers sont ceux qui nous ont transmis la révélation, mais ils n'ont aucun droit à l'adoration. Et donc, nous, quand on dit qu'on croit en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce n'est pas de la même façon que les chrétiens croient en Isa. Ça, c'est très important de leur expliquer ça. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est le calcul automatique qu'ils font. Hein? Ils font et j'ai remarqué ça chez beaucoup de chrétiens. Ils comparent tout ce qu'il y a dans leur religion, ils le calquent sur l'islam. Ils pensent que nous, on a les mêmes croyances qu'eux, mais par rapport à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est incorrect. Donc ça, c'est important. Ça peut paraître évident pour un musulman, et ça peut paraître élémentaire, mais pour un chrétien, ça fait toute la différence. Si tu lui expliques ça, ça peut être un détail qui lui fait comprendre la vérité de l'islam et qui le pousse à vouloir même se convertir à l'islam. Parce que pour un chrétien, ça c'est extrêmement important de savoir ça. Donc, peut-être pour un musulman, il va entendre ça, il va dire, mais ça c'est évident, on ne prie pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous on sait ça. Oui, toi tu sais ça parce que tu es musulman. Mais pour un chrétien, lui, il ne sait pas. Il pense que nous les musulmans, quand on prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est important de lui faire comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens ou des non-musulmans qui pensent que, pour les musulmans, ils pensent que Allah c'est une statue ou une idole et qu'on se prosterne devant cette statue. Parce que ces gens-là sont très ignorants de la réalité de l'islam. Et moi je dis ça pourquoi? Parce que moi-même je pensais ça avant l'islam. Il y a une époque où je pensais ça de l'islam. Hein? Mais quand j'ai découvert que les musulmans se prosternaient devant aucune image, aucune statue, et qu'ils suivaient la religion d'Abraham, eh bien c'est quelque chose qui a fait comme, ça a été comme un déclic pour moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben dans ce cas-là, c'est la religion d'Allah, c'est la vérité. Hein? Donc c'est pour ça que tu peux trouver des choses tellement simples et insignifiantes, tu dis, mais ça c'est connu dans l'islam. Mais pour quelqu'un qui est chrétien ou qui est juif, qui connaît rien de l'islam, eh bien, ça peut faire toute la différence. Hein? C'est très très important de savoir ça. Le cheikh, il dit ensuite qu'il y a des différences entre les prophètes. Certains prophètes sont meilleurs que d'autres. Et quand on dit que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, c'est par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ces messagers-là, certains, nous avons préféré certains par rapport à d'autres. Allah, il a donné plus de grâce à certains prophètes qu'à d'autres. Mais ça ne veut pas dire que nous, on va dénigrer certains prophètes par rapport aux autres. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Hein? C'est pour ça qu'Allah dit لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. On ne va pas faire de distinction entre l'un et l'autre dans le but de dénigrer un par rapport à l'autre. Non, ça c'est interdit. Toutefois, de mentionner que certains ont reçu plus de grâce d'Allah que d'autres, ça c'est permis. Ça, il n'y a pas de problème. Et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection. Et ce n'est pas dans le but de vanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wala fakh. Il n'y a pas de vantardise là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rafa'a ba'dahum darajat. Certains prophètes ont été élevés en degrés. D'accord? Donc tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Donc certains prophètes ont été élevés en degrés. Ensuite le cheikh il dit également que tous les messagers que Allah a envoyés, et ça on l'a expliqué hier aussi, du premier, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été d'accord sur les fondements de la religion, c'est-à-dire au sujet du tawhid, al-uluhiyya, wal-rububiyya, wal-asma wa-sifat. Il n'y a pas de contradiction dans ce fondement-là, et tous les messagers sont venus avec ce fondement-là qui est le fondement de la religion de l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans surat Al-Imran, Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion que Allah a agréée, la religion d'Allah, c'est, pour Allah c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et le mot islam, ça signifie la soumission. La soumission. Et donc, c'est que l'être humain, il accepte volontairement de soumettre son âme et sa volonté à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres d'Allah et d'obéir à ses messagers et d'établir son unicité et de l'adorer lui seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça l'islam, c'est ça la base de l'islam et de l'enseignement fondamental de la religion musulmane. Et c'est le point et l'élément central de la religion musulmane. Et cette chose-là, elle est tellement centrale que si quelqu'un n'a pas établi ce principe-là, eh bien, peu importe qu'est-ce qu'il applique du reste de la religion, ça n'aura aucune valeur pour lui. Allah n'acceptera rien de lui. Excepté s'il a compris et appliqué ce fondement-là dans la religion musulmane, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans la seigneurie et dans les noms et dans les attributs. Et tous les messagers d'Allah, c'est cette religion-là qu'ils ont suivie. Si tu regardes par exemple les chrétiens, le nom de leur religion, c'est pas les prophètes qui l'ont désigné ce nom-là. C'est pas les prophètes qui ont dit par exemple, la religion d'Allah c'est le christianisme. Même le mot christianisme, Jésus l'a jamais entendu. C'est un nom qui est venu après Isa, après que Allah ait élevé Isa au ciel. Et des gens qui étaient des païens, des idolâtres, qui ont nommé les gens qui ont cru en Isa, chrétiens. Donc ça n'a rien à voir avec c'est pas un nom qui a été choisi par Allah. De même que judaïsme, la même chose. Le terme, Moussa, il n'a jamais dit, ma religion c'est le judaïsme, et vous devez être juif. Il n'a jamais dit ça. Ce nom-là, ça ne vient pas d'Allah. Tandis que l'islam, tous les messagers ont appelé à l'islam, c'est-à-dire le tawhid et l'unicité d'Allah et la soumission aux ordres d'Allah. Ça, c'est tous les messagers qui ont ordonné ça et qui ont appelé à ça. Et ce nom-là est donc le nom de la religion et le nom que Allah a choisi pour cette religion-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Coran, le verset 85, dans surat Al-Imran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, alors ce ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire cela à propos de sa religion, ou un juif qui peut dire ça à propos de sa religion. C'est-à-dire, le chrétien ne peut pas dire, et quiconque cherche une religion autre que le christianisme, cela ne sera pas accepté de lui. Parce que déjà, ce nom-là, il n'existe pas dans la bouche des prophètes. De même que le judaïsme, la même chose. Aucun juif peut prétendre que Moussa alayhi salam a dit « quiconque cherche une religion autre que le judaïsme ». Parce que ce nom-là, il n'existe pas dans la révélation. Tandis que le mot islam, il existe dans la révélation. Et on voit que c'est le principe du tawhid qui a été enseigné par tous les messagers. Ça, c'est la religion universelle d'Allah. Il n'y a pas d'autre religion que Allah a envoyée par ses messagers. Et ensuite, il dit, à propos de Nuh alayhi salam, donc il va citer plein de versets dans lesquels on voit les messagers qui mentionnent qu'ils sont musulmans. Et je vais vous les lire. Et quand je vais donner la traduction, je vais vous mentionner les versets par la suite. Donc il dit, « Wa qala ta'ala an Nuh wa umirtu an akuna min al-muslimin. Wa qala an Musa. يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Donc les versets que j'ai cités, parmi ces versets là il y a il y a le verset 72 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les paroles de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit et j'ai été ordonné d'être parmi les musulmans, hein, ou du nombre des musulmans. Et le verset 84 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de Moussa alayhi salam qu'il a dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors mettez votre confiance en lui si vous êtes musulmans. Hein? Kuntum muslimin. Et il dit à propos de Suleyman, par la bouche de Bilqis, hein, ô mon Seigneur, j'ai fait du tort à mon âme, j'ai fait de l'injustice à mon âme, et je me soumets, hein, j'accepte l'islam avec Suleyman, et je me soumets au Seigneur des mondes. Et ça, c'est le verset 44 dans Surat An-Naml. Et il cite également le verset 13 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a légiféré comme religion pour vous ce qu'il a enjoint à Nuh alayhi salam et ce qu'il a révélé à toi, ô Muhammad, de même que ce qu'il a enjoint à Ibrahim et à Moussa et à Isa, ça c'est les cinq prophètes, Ulul Azm, d'établir la religion, hein, et de ne pas se diviser à son sujet, hein, ce à quoi vous, vous invitez. Ce à quoi vous invitez est quelque chose de très grand pour les mouchriquins. C'est quelque chose qu'ils ont du mal à concevoir, appeler à l'unicité et à l'union dans la religion, parce que le shirk, il est basé sur la division. Le shirk, il est basé sur la division. Chacun, il adore une idole différente. Donc pour eux, de concevoir de s'unir sur la foi et sur l'adoration d'Allah seul, ça c'est quelque chose d'inconcevable pour eux, hein? Et c'est pour ça, yani, Allah subhanahu wa ta'ala il dit kabura 'ala al-mushrikeen ma tad'uhum ilayh wallahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah subhanahu wa ta'ala il rapproche de lui qui il veut et il guide vers lui celui qui est repentant. Ensuite, parmi qu'est-ce que le cheikh il mentionne, il dit le nombre des messagers et des prophètes. Donc il cite que le nombre des messagers sont de 315, hein? Il a mentionné le nombre de 315 et il explique que en ce qui concerne les prophètes, il dit ils sont il dit mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun. Donc il dit 124 000. D'accord, donc il dit que les prophètes sont de 124 000. مئة ألف وأربعة وأربعة وعشرون وعشرون ألفا. Donc ça c'est beaucoup, hein, les prophètes. Mais il n'a pas cité de dalil. Donc Allahu a'lam par rapport à ça. Il dit ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر. Il a dit cela est rapporté dans les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam selon Abi Umama et Abi Dhar, mais il n'a pas cité le hadith lui-même, il n'a pas mentionné non plus les qui a rapporté le hadith. Ensuite il dit wal farqu bayna ar-rasul, hein, l'imam Ahmed qui l'a rapporté. OK. Ok, c'est rapporté par l'imam Ahmad, selon Abi Umama et Abu Dhar. Ouais, donc, et Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est un hadith qui est sahih. Ouais, donc c'est authentique. Barakallahu fik. Et le Cheikh, il dit, وَثَبَتَ ensuite il dit al-farq bayna ar-rasul wa an-nabi, la différence entre le messager et le prophète, c'est que le prophète, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose, il lui a donné une révélation, hein? Et il dit, si celui qui a reçu cette révélation parmi les prophètes a été envoyé à un peuple qui contredit l'ordre d'Allah et qu'il est envoyé pour transmettre à ce peuple ce message de la part d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est un messager. Donc, il dit, toutefois, si c'est un prophète qui vient uniquement et qui agit seulement selon la législation et la révélation de qu'est-ce qui a été révélé avant lui, hein, il vient puis il applique la révélation et la charia d'un prophète qui est venu avant lui et qui n'est pas envoyé à un peuple ou à des gens qui opposent la révélation ou la religion pour la transmettre de la part d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est un prophète seulement, c'est pas un messager. Et il cite la parole de Mujahid, hein, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dans lequel il dit "An-nabi wahdahu alladhi yukallam wa yunazzal alayhi wa la yursal." Donc le prophète qui est seulement prophète, c'est celui à qui Allah a parlé ou qui lui a révélé, mais qui n'a pas été envoyé à un peuple qui oppose la révélation, ou bien un peuple une personne qui reçoit une révélation, qui est envoyée et qui applique la législation d'un prophète précédent, comme les prophètes de Bani Israël qui suivaient la Torah. Hein, ils se basaient sur la Torah, mais ils n'avaient pas une nouvelle législation. Donc eux, c'est des prophètes. Hein, tandis qu'un messager, non seulement il reçoit une révélation, mais il est envoyé à un autre peuple pour leur transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il reçoit parfois des législations qui viennent des fois abroger des révélations précédentes ou des législations précédentes. Et donc la règle, et ça c'est important de la comprendre, c'est que tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. Tout prophète est un messager, mais pas tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager, c'est ça. Donc la base c'est les prophètes. Puis parmi les prophètes, il y en a qui sont un niveau plus élevé, c'est-à-dire les messagers. Ensuite, parmi les noms des prophètes qui ont été mentionnés dans la révélation, le cheikh il en a mentionné plusieurs, et donc on va les énumérer. Adam, c'est Adam. Nuh, alayhi salam, c'est Noé en français. Idris, c'est un autre prophète aussi. Hud, Salih, ça aussi c'est des noms de prophètes. Ibrahim, alayhi salam, c'est Abraham. Ismaïl, c'est Ismaël. Ishaq, c'est Isaac. Yaqub, c'est Jacob. On l'appelle aussi Israël, hein? On appelle Yaakov, on l'appelle aussi Israël. C'est pour ça qu'on appelle les descendants de Yaakov, on les appelle Bani Israël, hein? Les fils d'Israël. Youssef alayhi salam, c'est Joseph. Lot, c'est Lot. Shu'aib, il y a le prophète Shu'aib aussi. Le prophète Younous, qui est en français Jonas. Moussa, qui est Moïse. Haroun, qui est Aaron en français. Elias en français, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si c'est Élisée ou un autre. Élie, hein, Élie, naam. Élie, Elias. Zacharia, hein, c'est Zacharie. Yahya, c'est Jean, celui qu'on appelle Jean le Baptiste. Waliasa, hein, Aliasa, je ne sais pas. Et Zilkifl, la même chose, je ne sais pas en français. Daoud, c'est David. Suleiman, c'est Salomon. Ayoub, c'est Job. Et Al-Asbab, c'est-à-dire les tribus, les 12 tribus de Bani Israël. Et également Isa, qui est Jésus, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les prophètes qui ont été mentionnés par leur nom dans le Coran. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y a également d'autres prophètes dont il n'a pas mentionné les noms et il ne nous a pas mentionné leur histoire. Mais dans les prophètes au sujet desquels il nous a parlé de leur histoire et il a mentionné leur nom, il y a pour nous suffisamment d'exhortations et de leçons à prendre à partir de par rapport à ça. C'est suffisant pour nous. Hein? Sinon, il aurait pu nous mentionner plus. Hein? Mais dans qu'est-ce qu'il nous a mentionné, c'est suffisant pour nous comme exhortation et comme leçon. Et il mentionne le verset 164 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. C'est-à-dire, il y a des messagers, hein, au sujet desquels nous t'avons raconté l'histoire auparavant, et d'autres messagers dont nous n'avons pas mentionné l'histoire. Nous ne t'avons pas mentionné l'histoire. On ne t'a pas mentionné leur histoire, et nous avons, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a parlé à Moussa réellement. Il dit wa nu'minu bi jami'ihim. Donc on croit en tous ces messagers-là qui ont été mentionnés de façon détaillée. On croit en eux selon les détails que Allah a mentionnés à leur sujet, tandis que s'il y a d'autres messagers dont Allah nous a pas mentionné les détails, eh bien on croit en eux de façon générale. Il dit wa ar-rusul wal anbiya bashar akramahum Allah bin-nubuwwati war-risala. Donc les messagers et les prophètes sont des êtres humains que Allah a honoré par la prophétie et le message. Hein? Et donc, tous les messagers et les prophètes sont des êtres humains créés, hein? Et ils n'ont aucune part de la seigneurie ou de la divinité. Hein? On n'a pas le droit de faire d'eux des dieux, hein? Ou de les déifier. Et Allah, il mentionne dans le verset 110, dans Surat Al-Kahf, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il explique, il dit je ne suis qu'un homme, un être humain comme vous, à qui Allah a révélé, hein, il m'a révélé que votre divinité est une divinité unique. Alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur qu'il fasse une œuvre qui est bonne et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Hein? Et il mentionne ensuite, donc ça c'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf, et ensuite il cite le verset 11 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc dans le verset 11 dans sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et leur messager leur dit, nous sommes des êtres humains comme vous, mais Allah donne ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Mais il dit ensuite, et il ne nous appartient pas de venir avec une preuve ou avec un miracle ou des choses de ce genre, excepté par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et le verset 20 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 20 dans Surat Al-Furqan, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté que ils mangeaient de la nourriture et ils marchaient dans les dans les marchés. C'est-à-dire, c'est des êtres humains, ordinaires. Il dit, et nous avons fait de certains d'entre vous des épreuves pour les autres. Allez-vous être endurant, allez-vous être patient, et ton Seigneur est certes clairvoyant. Il cite le verset 50 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Donc le Cheikh, il cite ce verset 50 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors de mon Seigneur, les trésors d'Allah. Et je ne vous dis pas non plus que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne suis ce qui m'a été révélé. Hein? Et il dit, est-ce que celui qui est aveugle est égal à celui qui voit? Hein? N'allez-vous pas réfléchir? Et il cite ensuite le verset 188 dans Sourate Al-A'raf. Donc on voit que dans tous ces versets-là, que les messagers, c'est des êtres humains, ils ne connaissent pas le raïb, ils n'ont pas le contrôle de l'univers, ils n'ont pas des pouvoirs surnaturels, hein, comme les soufis aujourd'hui qui, quand ils prétendent qu'ils sont des awliyas, ils pensent que ça veut dire qu'ils connaissent le raïb, ils peuvent contrôler l'univers, ils ont des pouvoirs surnaturels, hein, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que même certains d'entre eux, parfois, ils vont même jusqu'à dire qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Hein? Et ça, si on a le temps d'arriver jusqu'à cette section-là dans le livre à propos des karamates, et quand il parle de la définition du wali, il parle de ça dans le livre. Le cheikh, il dit ensuite, « وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. » Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, qui est le verset 188, dans Surat Al-A'raf, dit ô Muhammad, je ne détiens pour moi-même ni la capacité de profiter ou de nuire, excepté ce que Allah a voulu. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais augmenté le bien pour moi-même et aucun mal ne m'aurait touché. Donc ça, c'est la preuve, hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même, moi je ne connais pas le raïb. Si je connaissais le raïb, j'aurais évité tout le mal. J'aurais fait que beaucoup de bien viennent sur moi seulement. Et il dit, in ana illa nadhirun, je ne suis qu'un avertisseur. Wa bashirun, il y a un annonciateur d'une bonne nouvelle, li qawmi yu'minun, pour un peuple qui est croyant. Et tous les messagers sont des serviteurs d'Allah parmi ses créatures et ses serviteurs. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés par le message qu'ils ont reçu. Et ils ont tous été décrits par la caractéristique d'être des adorateurs et des serviteurs et des esclaves. Hein? Bil-ubudiyya. Et il a élevé leur statut et leur station. Donc ils sont le statut d'être un adorateur et d'être un serviteur, c'est le statut le plus élevé, et la station la plus élevée parmi les stations des croyants. Et quand il les décrit comme étant des serviteurs et des esclaves, c'est dans le sens de la glorification et de l'éloge qu'il fait à leur sujet. Donc Allah, plus un serviteur est soumis, plus un serviteur s'est rabaissé devant sa grandeur, hein, plus il est élevé en degré et plus il est glorifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le contraire de ce que les gens pensent. Ceux qui s'enflent d'orgueil, qui s'élèvent parmi les hommes, eh bien c'est ceux-là que Allah rabaisse et humilie. Hein? Les al-mustakbirun, ceux qui s'enflent d'orgueil, qui sont fiers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, ils entreront en enfer humiliés. Hein? Tandis que ceux qui s'humilient devant Allah, qui se rabaissent devant Allah, et qui se soumettent à Allah, et qui sont esclaves d'Allah, eh bien Allah les élève, et les honneur, il leur donne l'honneur et la gloire. Hein? Subhanallah, il fait leur éloge et les élève en station et en degré. Ensuite, le Cheikh dit, « Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khatimul anbiya. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. C'est le dernier des messagers. C'est le dernier des messagers. Khatimul anbiya. Donc, est-ce que je termine la foi en les prophètes? Ou bien j'arrête tout de suite? Il reste deux pages à peu près. Oui? Ok, d'accord. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une de ses particularités, c'est que c'est le dernier des messagers. Il est le khatim des prophètes. Hein? C'est lui qui vient clore et sceller la prophétie qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Après lui, il n'y a plus de messagers ni de prophètes. Hein? Et il dit à ce sujet-là, le Cheikh Abdussalam, rahimahullah, il dit, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est venu sceller tous les messages des messagers. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux djinns et aux hommes. Aux hommes et aux djinns. Et il dit dans le verset 158 dans Sourate Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Il dit, oh vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, sans exception. Peu importe l'origine, l'ethnie, la couleur, la langue, le lieu géographique, il est le messager qui a été envoyé pour toute l'humanité, sans exception. Et il dit dans le verset 107 dans sourate Al-Anbiya, وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Pour les mondes, ça veut dire c'est pour toute l'humanité et même pour les djinns, pas seulement pour les êtres humains. Et il dit وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé que comme avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et comme avertisseur pour tous les êtres humains. Attends une minute, bébé. Mais walakin aktharan nasi la ya'lamun. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et puis on va reprendre après la salat, inshallah. Une urgence. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.